الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما نحمده جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا المكان وفي هذا المسجد المبارك. فنحمد الله جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد، كما أسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، donc les frères, inshallah, on va commencer le cours du jour, inshallah, ou cette petite allocution, cette brève parole, inshallah, concernant un sujet important. Qu'on pourrait nommer certaines recommandations concernant la vie conjugale. Donc c'est quelques recommandations, c'est un rappel qu'on va se faire concernant certains points liés à la vie conjugale. Et donc hier on avait étudié un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est mentionné et relaté dans le recueil de hadith authentique de l'imam Muslim. On l'avait lu entièrement, on avait lu ce hadith immense, on avait étudié ce hadith, et on avait dit qu'on allait sûrement terminer l'explication de ce récit, mais comme il restait que quelques points, le récit en lui-même, on l'avait lu entièrement, on avait pris les points importants qu'on voulait évoquer du récit. Donc comme il restait que quelques points, certains frères ont demandé un rappel concernant la vie conjugale. Donc pour cela, on va mentionner certaines recommandations. Le temps est court, c'est un sujet d'une immense importance, qui est très important, et les savants ont beaucoup traité le sujet, vu l'importance du sujet. فَهَذَا الْعُنْوَانَ تَكَلَّمَ فِيهِ الْكَثِيرُ لأهمية الموضوع، لأن صلاح المجتمع والأمن والسعادة والهناء تبدأ من هذه الأسرة، وهذه الأسرة يتحقق وجودها بالزواج الذي جعله الله جل وعلا شرعا في بني آدم. Sachez que, comme je vous ai dit précédemment, ce sujet, alors beaucoup ont parlé en ce qui concerne le sujet. Que ce soit des musulmans, des non-musulmans, beaucoup traitent le sujet lié à la famille, à la vie conjugale, et tout ce qui est relatif à ce thème. Et nos grands savants, les grands érudits et émérites et théologiens de notre communauté, ont traité ce sujet d'une manière remarquable du fait qui se sont appuyés sur le livre d'Allah et la sunna de notre messager, bien-aimé. Et de ce fait, le temps est court. On va évoquer certains points. Vous allez voir que celui qui réfléchit, médite et lit le Coran avec réflexion, vous pouvez constater certaines choses dont vous n'avez jamais pensé. Et lorsqu'on va parler du rang de la femme, et surtout de la femme pieuse, si on a le temps, du rang de la femme dans le Coran, vous allez voir qu'en réalité, notre ignorance, le fait qu'on n'a pas assez médité le livre d'Allah et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela a généré et occasionné qu'on manque. Et on a manqué beaucoup de choses profitables et d'enseignements profitables, et ce qu'on nomme al-fawa'id, al-ravim. Et vous allez voir dans ce qui va suivre de nombreux versets dans le Coran, vous allez voir que comment Allah Jalla wa Ala a honoré la femme et la place qu'a la femme dans le Coran. Et si on a le temps, on pourra parler aussi de la place de l'homme, parce que l'homme est souvent négligé aussi, malheureusement. لكن نحاول من خلال هذه الدقائق المعدودة أن نتذكر كتاب الله وسنة حبيبنا وقدوتنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc la vie conjugale, ce qu'on a mis ici lorsqu'il y a vie conjugale, c'est qu'il y a eu une union, un mariage. هذه العلاقة. En arabe, ce qu'on parle de al-alaqa, cette union, cette relation qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'époux et son épouse. هذه العلاقة ليست مجرد ارتباط وعادة اجتماعي كأن يتزوج الرجل أو تتزوج المرأة لأجل مطالب اجتماعية أو كمال اجتماعي لا إنما هذه أو إنما هي عبادة من الله جل وعلا وهذه العلاقة لها أحكام شرعية وضوابط فيها عدل وظلم والأجر والعقوبة من الله تعالى وفيها يعني في هذه العلاقة فيها أحكام كثيرة التي هي متعلقة بالأسرة. Sachez que cette relation, cette union qu'il y a entre l'époux et l'épouse, ce n'est pas juste une union comme beaucoup semblent, comme beaucoup pensent, une union, on va dire, liée au bien-être de la société. C'est-à-dire que l'union, la bonne entente de l'époux avec son épouse, la famille contribue à la sécurité, à la bonne entente, et contribue au bien-être de la société. Bilashak wa la raib. Il n'y a pas de doute en cela. Donc, l'union est importante pour le bien-être d'une société, le mujtama, pour la sécurité, l'entente, pour l'intérêt des individus vivant dans une société. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas restreindre le bienfait de cette relation, de cette union, du mariage, le bienfait de l'entente familiale, c'est-à-dire de cette famille. Il ne faut pas restreindre le bienfait, les mérites, dans le bien-être et l'intérêt lié à la société. Bien sûr, comme on a dit précédemment, c'est important pour le bien-être et l'intérêt de la société, mais aussi al-alaqa, cette union. Ici, sachez que celui qui se marie, donc qui a cette relation avec son épouse, sachez que celui qui fait cela par soumission envers son Seigneur et accomplit les devoirs qu'il doit envers son épouse, et l'épouse accomplit les devoirs qu'elle doit envers son époux, et cela par amour et soumission à son Seigneur, cela est une adoration. Cela est une adoration. Donc à travers cette union, il y a une adoration. Vous comprenez l'importance ici de cette union. Donc il faut commencer ici à comprendre cela. C'est très important pour avoir une bonne conception du sujet. Alors, c'est pour cela que cette union-là, ce qu'on appelle hadhihi al-alaqa, dans le mariage, il y a de nombreuses règles, il y a des lois religieuses, des jugements religieux, de nombreux jugements, de nombreuses lois liées au mariage. Et cela indique et prouve l'importance ici de cette union, de cette union. Et de ce fait, à travers cela, donc on voit qu'il y a la règle de l'équité, le fait d'être juste, l'interdiction de l'injustice. Il y a la récompense ou bien le châtiment. Lié à cela, une personne qui observe bien les devoirs qu'il doit envers son épouse, par soumission à Allah, Jalla wa Ala, alors il y a à travers cela, et la finalité de cela, la récompense immense de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que cette union est d'une immense importance. Allah l'a ordonné, Jalla Jalalu. C'est pour cela que le bon croyant, celui qui veut vivre dans cette vie d'ici-bas, et donc triompher et connaître le succès, puisque vous savez que la bonne finalité et le succès dans l'au-delà, eh ben, est lié à votre bonne application des prescriptions d'Allah dans cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas qui est la demeure de la mise en application et de l'action, et l'au-delà qui est la demeure de la rétribution. Donc il ne faut pas rater votre vie. C'est-à-dire, rater votre vie dans cette vie d'ici-bas, dans l'observance ou l'observation, ici, des prescriptions et des commandements de notre Seigneur, eh ben, c'est rater notre au-delà. C'est très important. Et l'une des choses les plus importantes, l'une des grandes prescriptions et commandements d'Allah Jalla wa Ala, qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné, ici, le fait d'accomplir les devoirs qu'on a envers notre épouse et l'inverse. Et de ce fait, sachez que cette union-là, le mariage, c'était la sunna des messagers et des prophètes. Des prophètes et des messagers. Comme Allah dans un verset dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا. Et nous leur avons donné des épouses. وَذُرِّيَّةً. Une descendance. Donc Allah, Jalla wa Ala, dit au prophète, alayhi salat wa salam, nous avons certes envoyé des messagers avant toi, et nous leur avons donné des épouses et une descendance. Enfin, donc cette relation, le mariage est une sunna des prophètes et des messagers. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit en ce qui concerne le père de l'humanité, Adam. Adam Jalla, Adam alayhi salam, wa huwa nabiyyun mukallam. Adam qui était un prophète dont Allah a parlé. Allah s'est adressé et a parlé à Adam. Allah dit wa qulna ya Adam, wa qulna ya Adam. Et nous avons dit, ô toi, Adam, skun anta wa zawjuka al-janna. Habite toi et ton épouse au paradis. Et wa akhbar Allah jalla wa ala, et Allah aussi nous a informé que nous a informé de l'animosité d'Iblis pour Adam et pour son épouse aussi. Et pour l'épouse de Adam. Lorsque dans le verset, Allah Jalla wa Ala dit, فَقُلْنَا يَا Adam. Nous avons dit, traduction relative du verset, nous avons dit, ô toi Adam, إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْدِكَ. Certes, Iblis est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Ce qui prouve que cela, c'est-à-dire cette notion, cette relation-là, cette union-là qu'il y a entre l'époux et l'épouse, eh ben, aussi cela était présent à l'époque des prophètes et des messagers, et c'est la sunna des prophètes et des messagers avant nous. Ce qui prouve ici l'importance du mariage. L'importance du mariage. Taïb. Wa an'ama Allahu jalla wa ala nabiyahu Zakaria. Et Allah jalla wa ala aussi, lorsqu'il relate ce qu'il dit à Zakaria. Lorsqu'Allah dit à Zakaria, fa istajabana lahu. Allah dit qu'il a exaucé la demande de Zakaria. Et il nous dit, wa wahabana lahu Yahya. Et nous lui avons donné Yahya, son fils. Donc Zakaria était le père de Yahya. Et Allah jalla wa ala nous dit, wa aslahna lahu Zawja. Et nous avons, certains traducteurs, et cette traduction est liée aux commentaires dans certaines explications, lorsqu'Allah dit wa aslahna lahu zawja, et nous, on pourrait traduire, et nous avons guéri son épouse. Yani, dans le sens, nous avons rendu son épouse féconde. Du fait que Allah jalla wa ala, a prédestiné, a décrété qu'elle puisse avoir Yahya comme enfant. Tout cela, ces versets ici pour montrer que les prophètes et les messagers aussi, se marier, ça faisait partie de la sunna des prophètes et des messagers. Et pour avancer, puisque si on mentionne les versets liés à cela, il y a de nombreux versets qui mentionnent cela, pour avancer, ce qui montre ici l'importance et le mérite et la grâce de cette union, c'est qu'il y a un verset qui est immense dans la sourate 40, Al-Ghafir, la sourate qui est traduite par le pardonneur, c'est-à-dire cette sourate qui est intitulée par l'un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez le verset 7. Le verset 7, c'est un verset immense. Lorsqu'Allah nous dit Alladhina yahmiluna al-arsh, alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawla يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Une traduction relative du verset, Allah Jalla wa Ala dit, et ceux, c'est-à-dire les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Ils disent, Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Ô Seigneur, fais-les entrer au paradis que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Traduction relative du sens du verset. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous mentionne ici, nous informe qu'il y a des anges qui portent son trône. Pas n'importe quel ange. Et pour bien comprendre cela, je vais vous lire un passage très rapidement de l'explication de Cheikh Saadi. Cheikh Saadi en commentaire, en tafsir, explication de son verset très, très rapidement. Cheikh Saadi, rahmatullahi alayhi, dans son tafsir, donc dans le tafsir de ce verset. À un moment donné, il parle donc de ces anges. Regardez ce qu'il dit. Pendant que les anges qui portent le trône, il dit, c'est-à-dire le trône du miséricordieux, qui est le toit de toutes les choses créées, le plus immense, le plus large, le plus sublime, ainsi que le plus proche d'Allah, un trône plus large que la terre, les cieux et le siège. Écoutez bien ce que nous dit Cheikh Saadi. Ensuite, il dit, ces anges-là, qui ont été chargés par Allah de porter son immense trône, sont sans nul doute plus grands, les plus forts il est plus puissant de tous les anges. Pourquoi j'ai voulu vous lire cette partie du tafsir de l'imam Saadi? C'est-à-dire que Cheikh Saadi nous dit que ces anges qui portent le trône, dont nous informe à leur sujet Allah Jalla wa'ala dans ce verset, sont sans doute les anges les plus grands, les plus forts parmi les anges. Ils ont une proximité avec Allah Jalla wa'ala, subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce que nous dit Cheikh Saadi. Et si Allah les a mentionnés en premier lieu, et s'il a fait état de leur proximité, c'est la preuve qu'ils sont les meilleurs anges. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que ces anges, qui font partie des meilleurs anges, alors Allah Jalla wa'ala va nous informer dans ce verset qu'ils invoquent, qu'ils implorent Allah en faveur des croyants. Ils implorent pour vous, Allah Jalla wa'ala. Ils invoquent pour les croyants. Et ça, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense. Ces anges qui ont une proximité, ces anges qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, invoquent pour toi mon frère et pour toi ma sœur. Qu'est-ce qu'ils demandent à Allah? Ils disent, Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Ils implorent Allah, et ce n'est pas, comme on a dit précédemment, n'importe quel ange, ils implorent Allah qu'Allah pardonne et accorde l'absolution des péchés à tous ceux qui se repentent. Et ce n'est pas tout, ils demandent aussi qu'Allah leur épargne le châtiment du feu et le châtiment de l'enfer. Le châtiment de l'enfer. Et ensuite, regardez ce qu'ils demandent. Ils disent, Seigneur, fais-les entrer au paradis, dans les jardins du paradis que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi les ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Vous allez vous poser la question, quelle est la relation ici avec le sujet? Lorsque, regardez, les anges demandent, ils implorent, en l'occurrence parmi leurs demandes, fais-les entrer qui? Ces croyants, qui ont l'iman, qui croient en Allah et au jour dernier, et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les anges implorent en leur faveur, en demandant à Allah, fais-les entrer dans les jardins, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, c'est-à-dire vos ascendants. Ils implorent pour vos pères, pour vos grands-pères, qui étaient vertueux, c'est quelque chose d'immense. Et ils vont implorer aussi pour vos ascendants et vos descendants. Taïb. Ils implorent pour vos épouses. Donc, on va dire en quelque sorte, on gagne l'invocation de ces anges en notre faveur. Par le biais de quoi? Quelle est la cause? Le mariage. Parce que s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas cette alaqa, cette union entre l'époux et l'épouse, il n'y a pas d'épouse. Ils invoquent en votre faveur. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait cette union et vous ayez des descendants, les anges invoquent en votre faveur, en faveur de vos épouses, en faveur de votre de vos descendants, de vos ascendants. Et ça fait partie donc des bienfaits du mariage. Des bienfaits du mariage. Le fait de rentrer au paradis et d'être au paradis avec ces gens avec qui on vivait dans cette vie d'ici-bas, ces gens qu'on chérissait, ces gens qu'on aimait. Et ça fait partie des grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est juste pour faire montrer l'importance ici de cette union, de ce mariage, cette union qui est très importante. C'est pour cela que dans un verset, Allah dit « Udkhulul jannata antum wa azwajukum » « Entrez au paradis, vous et vos épouses. » Tuhbarun. Allah dit « Entrez au paradis, vous et vos épouses. » Celui qui sera pieux dans cette vie d'ici-bas et dont Allah va lui accorder cette félicité, cette immense récompense de rentrer au paradis. Et celui dont l'épouse était pieuse et chaste et faisait partie des vertueuses, Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Et Allah, Jalla wa Ala, dans un verset qui est immense, il nous dit, wa min ayatihi. Allah va nous parler, Allah nous mentionne ses signes dans son livre. Et Allah, dans un verset, nous dit, wa min ayatihi. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, et parmi ces signes, le fait qu'Allah Jalla wa Ala ait créé de vous, min anfusikum azwajan, des épouses, pour que vous puissiez vivre avec elles. Et ensuite Allah Jalla wa Ala dit litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum, une traduction relative, hein. Al-muhim, l'important, Allah dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Et ensuite Allah dit wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et Allah dit qu'il a mis entre vous deux choses. Allah dit qu'il a mis entre vous al-mawadda wa al-rahma. Et ça, les savants, d'après ce verset, ensuite, ils nous ont enseigné un enseignement qui est immense. Tout croyant et toute croyante, tout époux et épouse, doit savoir cela. C'est très important ici. Allah dit, et il a mis entre donc l'époux et l'épouse, deux choses. Il nous dit al-mawadda wa al-rahma, al-mahabba. Il a mis l'amour et la miséricorde. Donc on a deux choses. L'amour et la miséricorde, la clémence, si vous voulez. Donc l'amour et la miséricorde. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce verset? C'est-à-dire que cette union, donc, les savants nous disent qu'elle est bâtie sur ces deux choses. Elle est fondée sur l'amour et la miséricorde. Elle n'est pas fondée sur l'amour seulement, comme beaucoup pensent. Elle n'est pas fondée sur ses sentiments. Les sentiments que l'homme pourrait avoir envers une femme et que la femme pourrait avoir envers l'homme. Le mariage n'est pas fondé seulement sur l'amour et l'appréciation qu'on a envers notre épouse ou l'épouse envers son époux. Là, le mariage est fondé sur deux choses. Al-mawaddatu wa rahma. C'est-à-dire que في هذه الآية إشارة أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة فإن لم تكن محبة ومودة هناك أمر آخر تقوم عليه الأسرة الرحمة. Alors il dit donc, ce verset nous montre que le mariage, donc, comme on a dit précédemment, est fondé sur l'amour et la miséricorde. Et la miséricorde. Donc, si dans une relation, parfois, il y a un manque du premier point, un manque d'amour, il reste la miséricorde. Il reste la clémence. Il reste cette miséricorde que l'époux et cette clémence, que l'époux, cette compassion que l'époux a envers son épouse, et l'épouse, cette compassion qu'elle a envers son époux. C'est pour cela qu'il est dit que parfois, un homme, il va rester avec son épouse par rapport à cette clémence et cette miséricorde, cette compassion qu'il y a dans son cœur. Même s'il n'y a pas forcément, on va dire, on va parler ici de cette mawad, de l'intensité de, comme beaucoup le voudraient, hein, de cet amour. Mais l'homme a une miséricorde, une clémence, compassion envers son épouse, pour cette croyante. Walax, et l'inverse. Lorsque parfois, une femme peut rester avec un homme, par rapport à cette compassion qu'elle a envers lui, cette clémence, cette miséricorde qu'elle a envers lui. Parce que l'amour varie. Il y a des moments où il s'intensifie, des moments où ça diminue, c'est pas quelque chose de constant. Il faut arrêter les beaux rêves. Il y a des gens qui vous vendent du rêve. C'est pas quelque chose de constant. C'est pas quelque chose qui est toujours sur la même ligne. Il y a des hauts, comme on dit, et il y a des bas. Alors certains, pour ça on traite le sujet, parce qu'on est dans une société, il faut traiter parfois les problèmes de société. Alors certains, par rapport à l'éducation qu'on a eue, certains, eh ben, ils veulent toujours cette intensité, ils veulent toujours ce haut, toujours qu'il y ait cet amour. Et parfois, lorsqu'il y a le bas, ils pensent que c'est la rupture, qu'il faudrait ici envisager la rupture. C'est faux. On n'a pas compris la deuxième chose, Ar-Rahma. C'est-à-dire que ce mariage n'a pas été bâti et fondé sur Al-Mawadda wa Ar-Rahma. Et comment tu peux aimer une personne sans avoir de la miséricorde envers elle? Et de la clémence et de la compassion envers cette personne. Fahava, donc cela s'adresse aussi bien pour nos sœurs et aussi bien pour nos frères. Donc, l'amour, ce n'est pas quelque chose de... Ça varie selon les périodes, selon les circonstances. Parfois, ça augmente, parfois, ça diminue. Mais il y a toujours une origine. Le croyant aime les croyants. Ouhakada. Taïb. Et si donc le mariage, regardez bien, un savant dit, si donc le mariage est bâti sur cela, est fondé sur Al-Mawadda, Al-Mahabba wal-Mawadda, ou Al-Rahma, ce mariage est fondé sur ces deux choses très importantes, et c'est Allah qui dit, wa ja'alna baynahum Al-Mawadda ou Al-Rahma. Allah dit qu'il a mis entre deux, wa ja'alna baynakum Mawaddatan wa Rahma. Et bien, si le mariage est fondé sur ça, et bien, malgré les épreuves, malgré les difficultés, parce qu'un couple va connaître des épreuves, il va connaître des difficultés. La vie est comme cela. Donc le couple va connaître des épreuves, des difficultés. Mais malgré cela, ils vont connaître le bonheur, la quiétude, la tranquillité. Parce que le bonheur d'un couple est basé sur cela. Celui qui veut connaître le bonheur dans son couple, il faut que son mariage soit fondé et bâti sur ces deux choses. Al-Mawadda wa Ar-Rahma. Vous voyez pourquoi il faut méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on lit, il ne faut pas que ça soit juste une lecture dénuée de toute réflexion, méditation. Il faut essayer de comprendre. Essayer de comprendre. Enfin, pour cela, si le mariage est fondé, bâti sur ces deux points, alors cette famille-là, ce foyer-là, ce couple-là va connaître le bonheur, le calme, la quiétude. Malgré qu'on n'exclut pas, comme on a dit précédemment, qu'il peut y avoir des épreuves. On va être éprouvé, il y a des épreuves. Et Allah, le prophète, dans un hadith, nous dit « Inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtala fa man radiya fa lahu rida wa man sakhita fa lahu sakht » Allah, lorsqu'il aime un peuple, il éprouve. Donc, il y aura des épreuves. Mais lorsque le couple est basé et fondé sur cela, alors il est solide. Il est solide. وَلَوْ كَانَ الْمَلْ قَلِيلًا وَوُجِدَتَ الْمَشَاكِلِ وَعَدَمَ الْمُوَافَقَ فِي أُمُورٍ. Même s'il y a peu de biens, même si c'est un foyer, un couple qui a peu de moyens, même s'il y a peu d'argent, même si leur vie est modeste, mais le fait qu'ils vivent et qu'ils sont liés, qu'ils se sont unis et que leur union elle est bâtie sur ces deux choses-là, ils vont connaître un bonheur. Un bonheur qui est très difficile d'expliquer. Allez dans certains pays où il y a une grande partie de population qui sont pauvres. Vous allez voir, parfois ils sont plus heureux que dans certains pays qui sont développés où la majorité des gens sont d'une classe sociale élevée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le bonheur, dans la joie, parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et ils sont heureux comme ça. Et Allah met la bénédiction et le baraka dans ce qu'ils ont. C'est pour cela que lorsqu'une personne se marie, on lui fait dua pour qu'Allah bénisse cette union. Parce que si vous avez le baraka, même si vous avez peu de moyens, même si le couple est modeste, mais si Allah vous met le baraka, vous allez connaître le bonheur. et vous allez être heureux. Vous allez être heureux. Malgré, comme on a dit précédemment, il peut y avoir des adversités, il peut y avoir des moments compliqués, des difficultés, il peut y avoir des débats. Comme il n'y a pas de couple, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de maison, donc il n'y a pas de bas, des hauts et des bas, des épreuves et des difficultés. Lakin, qui a marqué là, laisse kul buyut mabniya ala al-mahabbati. Kathir minha buniyat ala al-rahma. C'est pour ça que ce n'est pas toutes les maisons, tous les foyers. Regardez un savant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça parle d'un savant. Il dit ce n'est pas tout foyer, toutes les maisons qui sont bâties sur l'amour. Malgré qu'il y a à l'origine de l'amour, parce que le croyant aime la croyante, mais ce n'est pas tout foyer qui est bâti sur son amour. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais c'est bâti sur la miséricorde et la clémence. Et la clémence. De là, il s'est dit, « Walmana fa'ad-diniya » et les bienfaits, l'intérêt qu'on a religieusement. Parce que lorsqu'il y a cette union, l'époux et l'épouse, ici, observent chacun les devoirs qu'ils doivent l'un envers l'autre. Et à travers cela, donc, ça leur facilite l'adoration du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il y a une stabilité pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez un intérêt dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Puisque, comme on a dit précédemment, c'est votre au-delà qui est en train de se jouer à travers ces moments comptés dans cette vie d'ici-bas. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste dans votre vie. Pourquoi allez-vous perdre du temps dans les fausses disputes, dans les futilités? Et la majorité des disputes, pourquoi? Parce que le mariage, l'union, elle n'est pas fondée sur ce qu'on a dit, les deux points, al-mawadda wa al-rahma. Ce n'est pas fondé sur ça. Et parfois, on se dispute pourquoi? Parce que souvent, il y a des baisses de iman, des baisses de foi. Ensuite, ça génère et ça engendre des disputes liées au profond souci qu'on a pour cette vie d'ici-bas. Alors, on perd de temps. Alors que l'individu ne sait pas combien de temps qu'il lui reste. Alors que celui qui patiente, cette union-là, dans cette union et à travers cette union-là, il y a un grand intérêt pour lui, dans l'au-delà. Dans cette vie éternelle qu'il y aura dans l'au-delà. Il y a aussi un intérêt aussi pour les enfants. Les enfants. Pour ça que un savant disait, ne serait-ce que le fait qu'un homme et une femme restent ensemble, pour le bien-être des enfants, pour que les enfants grandissent et vivent sous l'ombre de cette union entre cet homme et cette femme, c'est un bienfait qui est immense. Des enfants qui vont grandir dans un foyer où il y a entente et union entre l'homme et la femme. Ne serait-ce cela, c'est un bienfait qui est immense. C'est pour cela que la vie conjugale, le foyer, la famille, c'est quelque chose de très important. Comme on a dit précédemment, aussi bien pour le bien-être de la société, aussi bien pour le bien-être des individus, aussi bien pour le bien-être de l'homme et la femme dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà, pour notre adoration et nos devoirs qu'on doit envers notre Seigneur. Il y a de nombreux bienfaits à travers le mariage. Il faut juste les méditer et se faire le rappel sur cela. ولو أدركنا وعرفنا أن هذه العلاقة لها منزلة في دين الله جل وعلا فهذه فائدة عظيمة تتحقق سعادة هذه الأسرة بالإيمان والتقوى في كل صغيرة وكبيرة. C'est pour cela que si on a compris cela, on a compris que à travers cette relation, il y a un bienfait qui est immense et de nombreux bienfaits aussi. Alors si on veut le bonheur et la bonne entente, alors il faut faire preuve de taqwa. Il faut avoir l'iman, la foi en Allah, il faut faire preuve de crainte envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Sur toute chose, que ce soit des choses qu'on considère minimes et des choses qui sont plus grandes. Il faut craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui dont son mariage est bâti sur la crainte d'Allah, sur l'iman, sur taqwa, alors il connaîtra bi'iznillah, avec la permission d'Allah, le bonheur. Et à travers cela, celui qui fait preuve de taqwa, qui craint son Seigneur, il va éviter toute forme d'injustice, parce qu'Allah Jalla wa Ala a interdit l'injustice. Et celui donc qui opprime son épouse, ou bien l'épouse qui est injuste envers son époux, Allah interdit cela. Et au lieu d'être récompensé pour leur union, alors ils encourent la colère de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être attentif à cela. Le mariage, Allah Jalla wa Ala, cette union-là, cette alaqa, Allah l'a nommé mithaqun ghalidh. Dans le Coran, Allah a nommé cette union qu'il y a entre l'homme et la femme mithaq. Vous savez, le mithaq, c'est un engagement. Mais Allah a décrit cet engagement comme étant ghalidh. Un engagement qui est vraiment profond. Certains, c'est pour ça que dans les traductions, ils traduisent par solennel. Un engagement profond, immense. Lorsque, mon frère, tu te maries, tu t'engages. Elle dit, amen ! C'est un dépôt, tu t'engages. Cet engagement-là, c'est un engagement qui est immense, qui est profond. Regardez, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il parle de ce mithaq, donc il nomme cela mithaq ghalidh dans le verset, dans un verset. Et وكذلك إذا ليست الحياة الزوجية مبنية على المحبة دائما هناك منافع عظيمة في الدنيا والآخرة ولو لم يكن إلا بقاء الأولاد في ظل الزوجين الأم والأب وتحصل السعادة لهؤلاء الأولاد والأنس الوالدين بهما كما ذكرنا وقلنا آنفا فيما سبق والله جل وعلا donc nous dit regardez dans un verset Allah dans un verset nous dit que s'il aime parfois et eh bien il peut ressentir voir à travers son épouse des choses qu'il n'aime pas, des choses qu'il déteste, avoir une aversion envers certaines choses. Alors regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et habitez avec elle, vivez avec elle dans la bienfaisance, traduction relative du sens du verset. Et Allah dit, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَا أَنْ تَكُنَّ فَعَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Traduction du sens du verset. Allah dit, et si vous avez quelque aversion pour elle, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. C'est ce qu'Allah dit. Parfois, vous allez voir des choses que vous détestez, que vous n'aimez pas, mais Allah Jalla wa Ala dit que parfois une chose qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qu'on répugne, eh bien il y a dans cela peut-être pour vous la source d'un grand bonheur, d'un grand bonheur. Regardez ce que nous dit Cheikh Saadi dans l'explication de son verset. Si l'homme voit à travers le comportement de son épouse ou il voit des choses à travers son épouse qu'il n'apprécie pas, alors sachez qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent occasionner son bonheur, être la cause de son bonheur. Il y a certaines choses que tu n'apprécies pas, mais sache qu'Allah Jalla wa Ala te dit qu'il y a peut-être d'autres choses dont tu n'as point la connaissance qui sont cause de ton bonheur. Et Cheikh Saadi nous dit, c'est-à-dire, regardez, écoutez bien, c'est-à-dire qu'il vous importe, ô vous les époux, regardez ce que va nous dire Cheikh Saadi, ô vous les époux, de parler, ou plutôt de garder vos épouses en dépit de l'aversion que vous pouvez avoir pour elles, car il peut y avoir en cela un grand bien. En outre, l'obéissance à Allah est l'acceptation de sa recommandation qui recèle le bonheur de ce monde et de l'autre. Et Cheikh Saadi continue, il dit, en outre, celui qui garde son épouse, malgré parfois certaines choses qu'il n'apprécie pas, alors montre à travers cela une grande maîtrise de son âme et de belles qualités morales. C'est ce que dit Cheikh Saadi. Lorsqu'on patiente, ça veut dire là, on est en train de faire montrer, malgré qu'il y a des choses qu'on n'apprécie pas, mais on est en train de faire montrer ici notre moralité, notre bonne moralité et notre grandeur d'âme. Et Cheikh continue, il dit, certes, il est possible que cette aversion finisse bien sûr par se dissiper et par être remplacée par l'amour. Al-Mawadda. Hada kalam azim. J'ai vu les paroles courtes de nos ulama, des savants. C'est pour ça qu'il faut lire aussi cette tafsir. Et Cheikh dit, si vous patientez, il y a des choses que vous voyez à travers parfois. Comportement de son épouse. Parfois qu'on n'apprécie pas. Si on patiente, sachez qu'il y a un bonheur derrière. Il peut y avoir un bonheur. Et parfois, si on patiente, et cela, à travers cela, on fait montrer notre grandeur d'âme, notre moralité, et ben Allah Jalla wa Ala peut dissiper cette non-appréciation, si on peut dire de la sorte, et ça devient de l'amour. Mawadda. Pourquoi ? Parce qu'Allah Jalla wa Ala a mis entre les deux al-mawadda, ou al-rahma, et la clémence et la miséricorde. C'est pour ça que je vous ai dit que il y a de nombreux versets. Si on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps, je vous évoque certains versets où Allah Jalla wa Ala nous parle ici de l'importance de cette union et des règles relatives à cette union. Regardez dans le verset où Allah Jalla wa Ala nous appelle à la réconciliation. Lorsqu'il y a mésentente entre, il peut y avoir dispute entre l'homme et son épouse. Allah dit: "Wa in khiftum shiqaqa fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiq Allah baynahuma." Allah dans une traduction relative du verset, Allah dit: "Et si vous craignez shiqaqa, une mésentente ou un conflit entre les deux, alors ramenez un arbitre du côté de l'homme, un arbitre du côté de la femme. Et s'ils veulent vraiment la réconciliation, Allah mettra le succès en cela." Allah appelle à la réconciliation, à la bonne entente. Vous avez vu, Allah veut de nous qu'il y ait une bonne entente, la réconciliation. Ces versets prouvent ici donc l'importance de ce lien qu'il y a entre cet homme et cette femme. Donc comme on a dit, surtout les nouvelles générations là, les jeunes, beaucoup les jeunes qui pensent que le mariage c'est juste quelque chose de charnel, c'est juste des sentiments. Alors parfois ils viennent, ils ont des problèmes conjugaux, ils viennent, ils pensent que les imams sont là pour faire du social, et bien sûr, les imams ou les du'ats ou ceux qui ont des compétences peuvent remédier à certaines choses en faisant le rappel, mais il faut que les individus fassent preuve de iman, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, alors ils viennent et ils disent: oui, je pense à me séparer de ma conjointe, ou la conjointe veut se séparer de son conjoint, en disant: je ne ressens plus rien. Subhanallah. C'est qu'on n'a pas compris alors l'union, l'importance de cette union. Et comme on a dit précédemment, parfois à ce moment-là, il y a des choses qu'on n'apprécie pas, mais si on patiente, Allah, Jalla wa Ala, va faire que justement cet amour va s'intensifier et peut s'accroître. Il ne faut pas penser qu'au domaine charnel et au bienfait dans cette vie d'ici-bas seulement, il faut penser à son au-delà. Et il faut penser à la personne qu'il y a en face. Il faut faire preuve de clémence et de miséricorde envers la personne qu'il y a en face. Et il y en a qui ni pensent à la femme, ni pensent aux enfants. Ils ne pensent qu'à son bien-être. À lui. Et Allah, Jalla wa Ala, dans ces versets qu'on a mentionnés, on voit bien que lorsqu'on réfléchit, on voit l'importance donc de cette union. Regardez dans un verset, et ça c'est un rappel aussi, hein. À l'heure actuelle, même lorsqu'Allah nous parle de la dot qu'on doit donner, on doit la donner de bon cœur et de bon gré, Allah dit. On doit la donner de bon cœur et de bon gré. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة طيب pour terminer inchallah donc regardez aussi en ce qui concerne la dot lorsque l'homme se marie il doit donner donc la dot et Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il doit la donner et il décrit le terme et il dit Nihla. Nihla, Satan l'a expliqué, c'est-à-dire de bon gré. De bon gré ici. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit وَآتُ النِّسَى صَدُقَاتِهِنْ Nihla. Nihla, c'est-à-dire et donnez à vos épouses leur dot de bon gré. On voit à l'heure actuelle certains, on voit qu'ils ne donnent pas la dot de bon gré. Certains qui ont les moyens, eh ben, retardent la dot. On ne parle pas de la permission, celui qui n'a pas les moyens, il a le droit, religieusement, de retarder la dot. S'il n'a pas les moyens, s'il y a un accord mutuel entre le prétendant et la future épouse, ils ont le droit de retarder la dot. Nous, on voit qu'en réalité, il y en a qui ont les moyens de donner la dot, mais par avarice, ils ne donnent pas cette dot. Alors qu'Allah, Jalla wa Ala, ici, ordonne aux croyants qui veulent se marier de donner une dot. Et lorsqu'il donne cette dot ici, de bon gré, c'est-à-dire il ne doit pas faire preuve d'avarice, il ne doit pas être radin dans cela. Pourquoi ? Parce que parmi les secrets de cela, si vous méditez, lorsque vous donnez de bon gré ici, avec joie, cette dot, Allah Jalla wa Ala vous demande de la donner. وَآتُ النِّسَى صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'honorer la femme. Vous êtes en train ici, c'est un honneur pour la femme. Et du fait que vous tenez à cette femme et vous voulez vous marier à cette femme, vous donnez cette dot de bon gré. Et vous êtes heureux de lui donner. Et ça honorifie cette femme. C'est pour ça que c'est très important. Contrairement à ceux qui donnent, si peu, avec nos termes à nous, hein, si peu esquiver la dot, ou la diminuer, eh ben, il le fera, etc. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que dès le départ, il y a un khalal. Il y a un problème. Dès le départ. Parfois, c'est chez nos sœurs. Et parfois, c'est chez nos frères. Alors, il y a des sœurs qui se plaignent. Elles se marient, par exemple, avec des frères. Ensuite, elles se rendent compte que le frère, eh ben, vous avez vu, on est éprouvé à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux. Toute la nouvelle modernité fait que ça a bousculé, ça a changé, ça a transformé les sociétés. Même les créateurs de ces jihaz, de ces objets-là, de ces téléphones, de tout ça, le disent que ça a bousculé, ça a changé, ça a transformé les sociétés. Alors on peut se trouver parfois, elle se marie avec un homme, avec un frère, et ben elle le trouve qui parle dans les réseaux sociaux avec d'autres. Comment est-ce qu'elle l'a connu? Certaines sœurs ont connu elles-mêmes cet individu en parlant avec lui dans les réseaux sociaux. Déjà, elles se sont mariées avec une personne, elles ont une relation qui religieusement est considérée comme interdite. Comment est-ce qu'elle veut qu'ensuite il ne va pas commettre la même chose avec une autre? Donc dès le départ, on voit déjà qu'il y a un khalal. Il y a une déficience. C'est pour cela qu'il faut être conscient de ces choses-là. Il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut faire en sorte, comme on a dit, que le mariage soit bâti sur al-mawadda, sur l'amour, sur la clémence, sur la miséricorde, et surtout la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah et savoir qu'Allah nous observe à tout moment. Crainte d'Allah où que l'on soit. Et la réussite de cette union, de ce mariage, eh bien, est un bienfait pour nous dans cette vie d'ici-bas, pour notre descendance, et un bienfait pour notre au-delà. Ensuite, il peut arriver qu'il n'y a pas de bien dans cette union et que ça aboutisse à une séparation. Cela n'est pas interdit. Mais lorsqu'on observe le Coran et la sunna du messager d'Allah, Allah, ici, nous incite à préserver ce lien. Pour ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit « Khayrukum li ahli » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec les siens, avec sa famille, son épouse. C'est le meilleur d'entre vous. C'est-à-dire que celui qui veut être le meilleur, eh bien, sois le meilleur avec ton épouse et ta famille. Tout simplement. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas essayer d'être bon avec les autres, et lorsqu'on rentre chez soi, eh ben, on ne fait pas preuve de bonté et autres. Tu veux être le meilleur ? Khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse, avec sa famille, avec ses proches. Et c'est pour ça, dans un verset, Allah dit, wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Tu veux qu'Allah t'aime ? Tu veux qu'Allah t'agrée ? Alors sois parmi les gens qui sont bienfaisants, qui sont bienveillants. Et Allah nous dit même dans un verset que celui dont Allah a accordé des largesses, qu'il dépense de ses largesses. Et la meilleure dépense, quelle est la meilleure dépense? C'est la dépense qu'on fait pour nos épouses, pour nos enfants, pour notre foyer. C'est la meilleure dépense. Vous savez, le fait d'aider les nécessiteux, comme on l'a dit nombreuses fois, c'est bien, il faut aider les nécessiteux. Wallahu fi'aun al-'abd ma dama al-'abd fi'aun akhi. Et Allah est dans l'aide du serviteur tant que le serviteur dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Donc c'est bien d'aider les autres. Mais vous savez que la meilleure dépense est pour son foyer. Celui qui dépense. Et Allah dit "Li yunfiq dhu sa'atin". Regardez dans le verset, Allah dit "Li yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi". Et Allah dit que celui donc Allah lui a accordé une largesse, qu'il dépense de cette largesse. Qu'il dépense, qu'il ne fasse pas preuve d'avarice. Ce n'est pas une honte. Une femme, par exemple, qui décide qu'elle ne peut plus continuer avec son époux parce qu'il ne dépense pas. Parce qu'il ne veut pas dépenser. Ce n'est pas une honte. Est-ce que cet individu n'a pas de l'amour propre de se dire que peut-être qu'elle se marie avec un homme qui va la chérir et dépenser pour elle? Ce n'est pas une honte. Maintenant, s'il n'a pas les moyens, Allah nous demande de patienter les uns les autres, parce qu'il faut lire la suite du verset, de patienter. Mais si Allah nous a accordé des largesses, alors faites profiter votre famille de ces largesses, soyez bienfaisants. Et ça ensuite, ça met, il ne faut pas bâtir le couple sur le matériel, mais ça intensifie ce sentiment de mawadda et de rahma. On termine, Inch'Allah. C'est pour cela que le sujet est long, c'est dommage, il y avait de grandes fawaïd encore à mentionner à travers le... Juste si vous observez les règles, par exemple, du divorce, c'est pour préserver les liens. Regardez, lorsqu'Allah nous a interdit de divorcer, qu'un homme divorce pendant que la femme est en période de menstrue. Pourquoi? En période de menstrue, on vient en période de pureté où il y a eu relation entre l'homme et son épouse. Pourquoi ? Parce que s'il est en colère, il veut divorcer, et à ce moment-là, il lui est interdit de divorcer, alors ça va lui laisser le temps de que sa colère diminue et lui laisser le temps de réfléchir et ne voudra pas divorcer. Pourquoi pendant la période de Iddah de viduité, Allah dit il est interdit, strictement interdit à l'homme de faire sortir la femme du foyer ? Pourquoi ? Parce que dans cette période, l'homme peut réfléchir et décider de garder et l'union, l'entente qu'il y a dans ce mariage et l'union. Tout ça, les savants nous disent, si on médite, il y a de nombreux versets, si on médite cela, ça prouve qu'Allah, ici, veut préserver, ici, nous, plutôt nous incite et nous enjoint à préserver les liens. Donc s'il y a pour terminer,